Bienvenue à Objectif numérique, deuxième épisode de ce podcast sur la photographie numérique. Au menu de cet épisode, Christian va nous parler du Trigger Trap, un gadget pour la photographie d'accéléré. Je vais vous donner des suggestions de livres pour avoir une bonne base en photographie. Et François va nous donner des trucs de base en photo. Ensuite, on va aborder le sujet du magasinage d'appareils et d'accessoires, le neuf versus l'usagé, ou en magasin ou en ligne. Donc, un petit débat de fin d'émission. Restez à l'écoute. Tout d'abord, on aimerait vous remercier pour vos commentaires et même pour vos suggestions reçues après le premier épisode. On en tient compte et puis on va traiter la plupart des sujets qui nous ont été suggérés. Pour nous rejoindre, vous pouvez le faire par courriel à l'adresse balado@objectifnumerique.com avec un seul L évidemment, ou podcast@objectifnumerique.com si vous préférez aussi. Sur Twitter, vous pouvez nous rejoindre à onumérique. Et sur le web, évidemment, objectifnumérique.com. On va enchaîner maintenant avec le gadget de Christian, si tu veux nous le présenter. Oui, bien sûr. Le gadget que j'ai à vous parler, c'est le Trigger Trap. C'est un gadget très intéressant. Probablement tout le monde a déjà vu une vidéo qu'on appelle de timelapse, une vidéo photographie en accéléré. Bon. Le terme n'est pas particulièrement utilisé en français, alors on va garder ça à timelapse. Dans le fond, le concept d'un timelapse, c'est de prendre plusieurs photos d'un même sujet sur une période de temps qui peut varier entre quelques heures à beaucoup plus, là, ça dépend. Puis on assemble tout ça, c'est pris sous une, à chaque intervalle de, mettons, ça peut être en secondes, ça peut être en minutes, tout dépendant de l'effet qu'on veut faire. Et on repasse toute cette succession de photos-là pour faire un effet, exemple, comme on a vu très très souvent, qui est, on voit le soleil passer dans le ciel, puis qui s'en va se coucher sur la ville, ou des choses comme ça, je suis convaincu, puis d'ailleurs, j'en ai des très beaux que je vais poster sur le site, là, pour vous donner un petit peu une idée de qu'est-ce que ça peut être, là, j'en avais vu un superbe de Montréal, où ce qu'on voyait justement, là, Montréal, qui passait du jour à la nuit, les automobiles qui se promènent, etc., en tout cas, c'est un effet qui est vraiment très intéressant. Ouais, c'est magnifique à voir. Il y en a eu un même récemment, au jour de la Terre, là, où les gens sont tous assemblés pour faire une espèce d'arbre, et puis c'était intéressant de voir ça. L'affaire avec ça, moi, ça m'a toujours attiré, ce genre de choses-là, mais le gadget en tant que tel est assez dispendieux. Si on parle d'une centaine de dollars et plus, tout dépendant bien sûr du modèle de caméra que vous avez, de qu'est-ce que vous voulez faire, parce que plus il y a des options sur votre manette de timelapse, plus c'est cher. Puis j'ai trouvé un gadget qui connecte votre caméra à votre iPhone. Oui, malheureusement, c'est juste pour iPhone pour le moment. C'est bien spécifié qu'il y a des projets probablement pour l'amener Android, mais pour le moment, c'est juste iPhone. Mais c'est ça, dans le fond, c'est on achète un petit dongle qu'on connecte sur le téléphone. On connecte ça avec un autre fil dans notre caméra. Et avec la caméra, on est capable de contrôler c'est quoi l'intervalle de temps qu'on veut qu'il prenne. Est-ce qu'on veut que ça soit, mettons, comme je disais tout à l'heure, aux 30 secondes pendant une heure. Fait qu'il va avoir à ce moment-là, faisons un calcul rapide. Donc, il va avoir 120 photos qui vont être prises dans votre heure. Hey, c'est très cool, ça, avec l'iPhone. Oui. C'est vraiment génial. Mmh. Tu sais, c'est à peu près, c'est pas le trois quarts des gens qui sont moyennement branchés ont un iPhone, en tout cas. Puis, ce qui est le plus génial, probablement, de tout ça, c'est le coût. Parce que l'application en tant que telle coûte 10$. Après ça, il faut le fil qui se connecte au dongle, à l'adapteur. Le fil coûte environ, j'ai cru voir, une dizaine de dollars aussi. L'adapteur, une dizaine de dollars. Fait qu'on en revient à environ une trentaine, quarantaine de dollars. Seule chose qui reste à déterminer, c'est quels sont les taux pour le faire venir ici au Canada. Là. Ça, j'avoue que les frais d'expédition, exactement. Ça, j'en ai aucune idée pour le moment. Là. Je suis pas rendu à ce point-là. Mais je vais probablement me laisser tenter par le petit gadget. Là. Mm-hmm. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Qu'est-ce que ça fait exactement, les fonctions qu'il y a là-dessus? Les fonctions, ben, il y en a plusieurs. Il y a comme je disais, le timelapse là, le plus commode, le plus habituel, là, qui est juste un timelapse là, de certains intervalles. Mais il y en a également un autre qui est particulièrement intéressant, dont le nom m'échappe en ce moment, qui était le Ouais, accélérer, c'est que dans le fond, ce qu'il va faire, c'est que, mettons qu'au début, tu dis, il va prendre une photo aux 10 secondes, plus il avance dans le temps, il va réduire son temps. Son délai entre photos. Ah oui. Si au début, il est 10 secondes, ben là, mettons, après 10 photos, il va tomber à 9, après 10 photos, il va tomber à 8, etc. Fait que ça va devenir de plus en plus rapide. Ce qui va accélérer le résultat. Exactement. Il y en a une couple d'autres qui sont un petit peu plus intriguants, mais je sais pas trop comment que ça peut fonctionner. Là. Entre autres, il y en a un qui aurait avec la détection de mouvement. Je suppose que ça détecte avec peut-être la caméra du iPhone. Tout ça, malheureusement, bon... pas beaucoup de détails là-dessus. J'ai essayé d'en trouver un petit peu sur le site, là, mais il y avait senseur de son. De son. Oui. C'est que si tu es à la chasse et tu attends le chevreuil, je vais faire un time-lapse sur le chevreuil qui passe. le choc et la vibration, métal et magnétisme, un senseur métal et magnétisme. J'ai aucune idée, sérieusement, mais je sais même pas à quoi qu'on pourrait faire ça. À quoi que ça peut servir. Ça doit dérégler la boussole dans l'iPhone. Non, je sais pas, aucune idée. La reconnaissance faciale, HDR. La HDR, ça, j'imagine que c'est quelque chose aussi également qu'on va vous parler avec le temps, mais faire une parenthèse très, très rapide. La HDR, dans le fond, c'est trois photos qui sont prises à trois expositions différentes. Une qui est prise normalement, une qui est surexposée, une qui est sous-exposée, puis on mixe les trois ensemble. Puis, dans le fond, ce que ça fait, c'est que toutes les couleurs, toutes les places sur votre photo vont être... il va y avoir un effet qui est quand même assez extraterrestre où ce que tout est bien exposé, même si c'est pas supposé de l'être. Ouais, l'idée du HDR, c'est de se rapprocher de la gamme de l'œil humain, finalement. Exactement. Parce que l'œil humain est capable d'aller chercher dans les ombrages, dans les hautes lumières, ce que la caméra n'est pas encore capable d'aller chercher au point de vue de l'humain. L'HDR fait une belle job dans notre Exactement. Côté-là, ouais. Exactement. Si vous êtes intéressé à savoir un peu c'est quoi, ben encore une fois, ben tiens, par pure curiosité, j'en posterai une ou deux photos HDR. Je dois faire une confession à ce moment-ci. En très grosse majorité, je n'aime pas les photos HDR. Ah, mais ça dépend de l'effet qu'on y met dessus. C'est sûr, mais en général, moi, je trouve que c'est trop surfait. C'est souvent, malheureusement, des couleurs un petit peu extraterrestre, un peu trop, puis ça, il y a beaucoup de monde qui pousse ça un peu trop. Mais je suis d'accord avec toi à 100%. Ça, c'est comme quand tu découvres que tu peux saturer une photo, quand tu commences à jouer dans la post-procession, ouais, ou la post-production en photo. Le traitement photo, ben là, tu te rends compte que, hey, je peux changer le contraste, je peux changer les noirs, je peux mettre ça plus contrasté, je peux mettre ça plus saturé. Hey, ça serait beau, un beau ciel bleu comme sur la carte postale que j'ai vue quand j'étais allé en voyage, là. Mm-hmm. Hey, je peux le faire, moi aussi, tu sais. Mais effectivement, il y en a qui vont un petit peu trop là-dedans. Ils pensent que c'est beau, mais c'est pas beau. Ah, qui regardent, même moi, j'ai été coupable de ça à l'occasion, là. J'en ai fait des photos, puis je les ai trop exagérées. Ouais. Tout est dépendant de qu'est-ce qu'on a. Mais en général, je dois dire, là, sur, mettons, 10 photos HDR, c'est rare que j'en trouve plus qu'une belle. C'est plate à dire, là, mais y en a qui sont superbes, mais en tout cas, L'exagération, ça fait partie de l'apprentissage aussi. Quand on traite nous-mêmes nos photos, là, on expérimente avec ça, puis à un moment donné, on découvre le style qui nous convient, qui nous définit comme photographe aussi. Puis tu sais, comme je dis, reste quand même que j'ai vu des superbes photos HDR. Il y en a des très, très belles. Mm-hmm. C'est juste que moi, ben un peu comme certains trip photo macro, moi, j'aime moins ça. Surtout moi, les faire, j'aime vraiment, mais pas du tout ça. Mm-hmm. Mais ça, c'est toute une question de goût, d'intérêt. Ça, c'est de la photographie de très, très proche. Là. Ouais, les macro, insectes, les fleurs, des trucs comme ça, la macro. C'est parce que ce qui est dur de la macro, c'est un, ça te prend un bon équipement généralement pour le faire. Puis de deux, ben c'est que c'est ça pardonne pas beaucoup. Si tu veux prendre une photo d'un insecte, ça te prend des bonnes conditions de luminosité, ça te prend, comme je disais, un équipement qui est assez respectable avec une grande ouverture. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipement pour faire quelque chose de potable, ben, à mon humble opinion, là. Oui. C'est sûr que des fois, ça m'est arrivé, hein, j'en ai déjà fait une ou deux assez surprenantes, mais c'est rare. C'est très, très rare. Bref, je vais revenir à notre... Oui. Je vais retourner sur les rails et retourner à notre gadget. Oui. Il y en a également un autre aussi, un autre mode qui m'intrigue un petit peu, qui est le Star Trail, que je suspecte est probablement pour faire des traînées d'étoiles dans le ciel. Si c'est le cas, moi qui pourtant n'ai pas un grand fan d'astrophotographie, celle-là, faudrait que je l'essaye. Mm-hmm. J'ai vu, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, c'est particulièrement impressionnant. C'est certains timelapses où ce que le décor tourne, mais le ciel reste toujours au milieu. Fait que t'as l'impression que c'est la Terre. Ben, en fait, c'est la Terre qui tourne, mais que le ciel bouge pas. Mais c'est l'effet et comme ça brise un peu le cerveau jusqu'à un certain point parce que c'est comme si toi tu tournes, mais le ciel tourne pas. Ouais, ça veut dire qu'il y a une tête motorisée qui traque le mouvement de la Terre? J'ai aucune idée comment ils font ça. Sincèrement, je ne sais pas du tout comment ils font ça, mais c'est super impressionnant. Vraiment, là, je ne sais pas si c'est fait en post-production ou... Tout est possible maintenant. Normalement, une caméra que tu fais de la photo de ciel, tu te mets sur un trépied, ouais. Tu pars ton shutter, évidemment, la Terre tourne. Donc, si tu dépasses, je ne sais plus combien de temps, 30 secondes, tu commences à voir qu'il y a des toiles assez déplacées. Mm-hmm. Ouais. Donc, ça crée une ligne. Mais là, ce que tu décris, il faut suivre le ciel. Sinon, je comprends sais, pas. J'ai aucune idée comment ils font. Ouais. Je ne sais pas du tout. Mais comme tu dis, il doit y avoir quelque chose, probablement, comme tu dis, un dolly. Je ne sais pas le terme qu'ils utilisent en français, là, mais. Un chariot. Ouais, ben oui, ouais, quelque chose comme ça, là, mais en tout cas, quelque chose qui leur permet de changer l'angle en même temps, ou je sais pas, en tout cas, bref, c'est très, très impressionnant. Ça en a un autre que je mettrai sur le site éventuellement. Là. Ouais. Mais oui, définitivement, essayer. Mais c'est intriguant ton petit gadget. Moi qui aime ça, faire des timelapses, je serais curieux de voir ça. Je pense que... Il faudrait qu'on en reparle peut-être plus tard. On pourrait l'essayer puis en reparler éventuellement dans une autre émission. Bonne idée. Oui, tout à fait. On va mettre un homme là-dessus. Ouais. Oh, oui. Au moins deux, je pense. Il y en a au moins deux. La seule chose que... C'est François qui en parlait avant l'émission. Puis j'avoue que moi avec, on sait pas. C'est comme le dongle se connecte dans le téléphone. Ça fait, utilisant le port en dessous du téléphone, ça fait qu'on ne peut pas le charger en même temps. J'ai essayé de vérifier sur le site si il y a façon de plugger un autre fil dedans ou quoi que ce soit. Ça ne semble pas être le cas. Si c'est le cas, ben ça limite avec le temps qu'on a sur de batterie. Fait qu'on ne peut pas faire d'exposition extrêmement longue. Mm-hmm. Ouais, ça limite à 8 à 9 heures à peu près la durée du time-lapse. C'est parce qu'on ne sait pas c'est quoi que ça bouffe comme énergie, cette affaire-là. Ouais. Fait que on n'a aucune idée, là. Puis il y a toujours la possibilité de rajouter un Mophi Juice Pack, là, qui est comme, dans le fond, une batterie de plus. Si ma mémoire est bonne, il y a le port qui est rajouté en dessous aussi, normalement, fait que ça permettrait de le réutiliser. Je sais pas. En tout cas, il y a sûrement moyen de s'arranger, là, parce que, disons que les batteries, c'est une des choses les plus importantes pour faire des timelapses, justement, parce que c'est des heures de temps. Là, à un moment donné, il faut quand même pouvoir réussir à faire ça. En tout cas, on verra bien parce que, comme disait François, j'ai l'impression qu'il y en a au moins un ou deux dans le groupe qui vont se l'acheter. Au prix que c'est, ça vaut la peine de l'essayer, c'est sûr. Honnêtement, moi, j'étais allé voir sur eBay pour des vraiment bas de gamme, là, cheap, là, même pas de Canon, tout ça, puis c'était pas en bas de 60-70$. Puis j'étais prêt à payer 60-70$ pour le faire. Fait que payer 35-40, c'est... Garde. Puis tu sais, on aime ça, nos iPhones. On branche des affaires dessus. C'est le fun. Oui. C'est drôle parce que les trois, on a un iPhone, puis les trois, on a un appareil Canon, mais c'est le hasard qui en a voulu ainsi, que voulez-vous? Ah, ceci étant dit, je pense que pour l'avoir regardé un petit peu, le gadget, ça fait affaire avec Canon, avec Nikon, fait affaire avec plusieurs types de caméras, quelque chose comme 300, je pense. Ah, je sais plus que ça, non, c'est ça, c'est pas particulièrement le problème pour ça. Même si tu as une caméra qui n'est pas nécessairement professionnelle ou 270 modèles. Il y a des bonnes chances que tu trouves ta caméra dans 270 modèles différents. Fait que ça, c'est très bien. J'ai vu des Olympus, j'ai vu des Canon, Nikon, Fuji. Fait qu'en principe, ça devrait pas particulièrement être un problème. Puis c'est probablement le genre d'affaire qui, le dongle en tant que tel, doit pouvoir être programmé par la caméra. Fait que peut-être qu'ils vont pouvoir en racheter, pas par la caméra, par le téléphone. Je sais pas, regarde, j'ai aucune idée comment ça fonctionne. C'est probablement plus le software qui le contrôle, le logiciel. Mon expérience, c'est le software, parce que le fil, tout ce que c'est un déclencheur à distance. Voilà. Fait que c'est la même chose que ceux qui ont ça, un fil, comme dans le temps, sur les appareils argentiques, c'est un fil mécanique. Donc, tu vissais ton fil sur le shutter, c'est-à-dire le déclencheur de la caméra. C'était un fil physique. Quand tu poussais à l'autre bout de ton fil, avec ton pouce, ben ça déclenchait la caméra. C'était une petite pression d'air, je pense, quelque chose comme ça, c'est tout. Puis l'idée dans tout ça, c'est de ne pas faire bouger la caméra. C'est pour ça qu'il fallait se mettre à distance. Fait que là, l'iPhone envoie un signal électrique, tout simplement. C'est ça. Fait que techniquement, ça serait probablement juste une mise à jour du logiciel qui permettrait d'avoir des nouveaux types de caméras disponibles. Savoir si la compagnie va en faire assez. Je pense que c'est le connecteur, carrément. C'est juste un connecteur différent. Possible. Parce que à peu près toutes les caméras digne de faire du timelapse, ils ont une prise de déclencheur dedans. Ouais. Fait que c'est juste adaptateur, je pense que ça prend. Tout à fait. On verra bien, de toute façon. Ouais. Comme je vous dis, on va vous tenir au courant là-dessus, c'est pas mal sûr. À suivre. Bon, alors, de mon côté, moi, j'ai des suggestions de livres pour ceux qui aimeraient lire un peu sur le sujet, apprendre à faire de la photo, et puis apprendre les bases carrément, apprendre c'est quoi l'exposition, toutes des choses du genre. Moi, je les ai lus en anglais. Ben, en fait, il y en a un qui est disponible en français, mais les autres, je suis pas convaincu. Le premier, et c'est probablement le meilleur que j'ai lu à date, ça s'appelle « Understanding Exposure » par Brian Peterson. Évidemment, les livres dont je vous parle, je vais vous mettre les détails dans les notes de l'émission. Vous pourrez les trouver sur le site web. Je pense qu'il est disponible en français, mais il avait pas l'air disponible sur Amazon, donc il va peut-être falloir fouiller pour le trouver en français. Ça s'appelle « Pratique de l'exposition en photographie ». C'est un excellent livre qui va vous démystifier l'exposition avec l'ISO, l'ouverture, la focale, tout ça. C'est vraiment, dans les 5-6 premières pages, ça m'a vraiment fait comprendre comment ça marchait. Et toi qui as suivi un cours là, de photo, tu comparais ça comment, les livres que tu as lus? C'est-tu relativement la même chose? Oui, ben en fait, je les ai lus avant de suivre mon cours. Puis ça m'a permis d'arriver dans le cours puis de pouvoir suivre complètement ce qui se disait, de pas dire « Oh, de quoi il parle? Oups, j'ai manqué une information. » Fait que vraiment, je pouvais focusser sur toute la matière extra qu'il y avait autour de ça, puis même commencer à penser, dire « Ah oui, c'est pour ça que quand je fais ci, quand je fais ça, ça me donne tel résultat. » Puis j'ai trouvé ça intéressant d'avoir lu au moins un livre ou deux. Puis j'avais regardé un DVD aussi qui venait avec mon appareil quand je l'ai acheté. Donc, j'étais content d'avoir une base avant de suivre mon cours. Puis, en tout cas, je recommande aux gens de peut-être faire un peu de lecture, même s'ils prévoient aller suivre un cours. C'est jamais perdu de toute façon. Non, moi j'avoue que j'avais rien vraiment lu, parce que je suis quelqu'un qui est... Ça a l'air bizarre à dire, je suis très visuel, mais j'ai beaucoup de misère à lire et à absorber versus quand quelqu'un me le dit. OK. C'est étrange. Pourtant, je suis quelqu'un qui est visuel, mais là-dessus... je sais, pour avoir fait mon MCSO au complet en ne prenant que des livres, puis j'ai beaucoup bûché là-dessus parce que j'avais comme pas personne à qui poser la question, les affaires, puis d'avoir une rétraction immédiate sur mes questions. C'est ça qui fait justement qui m'a apporté beaucoup justement dans le cours, parce que t'as le professeur, tu lui poses une question, t'as la réponse tout de suite. Absolument. Tandis que des fois dans des livres, il y en a qui sont bien expliqués, il y en a qui sont moins bien expliqués. Puis là, tu cherches un peu plus la réponse. Puis là, ben, c'est là que l'Internet sert, mais là, ça te dévie. Puis on sait tous que quand tu vas sur Internet, des fois, ben, on voit un écureuil, puis on pense à d'autres choses pendant un peu de temps. Mais bon. C'est pour ça que les livres que je recommande, c'est des livres papier. Donc, il n'y a pas de danger de tomber sur un autre site web en les lisant. Ouais, ouais, mais il y a des livres que j'ai lus qui étaient trop techniques ou trop lourds à lire. J'ai presque arrêté de les lire avant de les finir parce que ça s'adressait peut-être à un professionnel, mais le professionnel aurait déjà eu la base, la matière. En tout cas, moi, j'ai vraiment, vraiment aimé celui-là, Understanding Exposure, et puis même en le lisant en anglais, mais bon, moi, je lis presque tout en anglais. Et puis l'autre, c'est une série de livres, il y en a quatre, je crois, c'est The Digital Photography Book par Scott Kelby, qui est un photographe de renommée, et puis il vulgarise beaucoup la matière, il donne beaucoup d'exemples, des photos pour montrer ses propos, tout ça, puis... J'ai bien aimé lire ça. Ça se lit rapidement, ça se lit très bien, mais je suis pas convaincu qu'ils sont disponibles en français, ceux-là, malheureusement. Là, on parle de livres de niveau débutant? Oui, de niveau débutant. Là. J'ai lu ça. Il y a deux des quatre livres que j'ai lus même avant de suivre mon cours, puis les deux autres, je les ai lus après, mais les quatre pourraient se lire même avant de suivre un cours, ou même sans suivre de cours. Ça donne une bonne base. Ça explique beaucoup de choses. Là. Quand tu dis ça donne une bonne base, ça donne une bonne base à quelqu'un qui a un point and click, ou ça donne une bonne base sur la photographie, mais il faut quand même que tu aies un appareil DSLR parce que ça change. Ça peut être très relatif entre les deux. Ben, c'est sûr que les livres de photos sont plus axés sur les DSLR, mais parce qu'il va avoir... C'est pas perdu pour autant. Non, c'est pas perdu pour autant. Par exemple, le livre Understanding Exposure a beaucoup de notions théoriques de photos. Le problème avec un petit appareil compact, peut-être que les options ne seront pas disponibles exact. Ou facilement accessibles pour régler l'ouverture. C'est souvent disponible, mais c'est très peu intuitif en général. C'est ça. Ou encore, c'est limité. Donc, au lieu de l'ouverture, justement, va être limitée par rapport à un autre appareil, mm-hmm. un autre objectif. Donc, c'est pour ça. C'est préférable pour ceux d'avoir un DSLR, un réflexe, mais ça peut aussi donner une bonne base pour ceux qui n'en ont pas. Là. Mm-hmm. C'est... De toute façon, ça coûte peut-être 25$, je pense. Donc, c'est quand même pas très cher pour avoir une bonne base théorique. Magnifique. Je vais continuer un petit peu dans la même veine que mm-hmm. tu viens de lancer. C'est-à-dire que moi, je vais parler... Tu t'achètes une caméra DSLR parce que tu te dis, là, je veux passer à l'autre niveau. J'ai vu des photos de mes amis là, sur Facebook, puis je les trouve belles. Je m'achète un bon appareil, je suis prêt à mettre 1000$, puis je vais m'acheter un appareil avec une bonne, un bon objectif. Mm-hmm. Fait que là, c'est malheureusement pas ça qui va faire que tu vas devenir un bon photographe. Je suis désolé de vous l'apprendre. Oh. je le sais, c'est décevant. C'est pas ça qui va faire que vous allez devenir un bon photographe. C'est le talent naturel. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui va faire qu'on devient un bon photographe? C'est parce que t'as pas mis assez avec 1000$, c'est pour ça. Ah, c'est ça. Mais ça, c'est plus tard qu'on s'en rend compte. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est de savoir composer une image. Puis ça comprend bien des choses. Puis là, je parlerai même pas de lumière. Parce que la lumière, ça, c'est un autre élément super important. Le plus important ou à peu près. Effectivement, parce que bon, faut qu'on voit. Hein? Mais, oui, exact. Ouais, mais tout s'enchaîne avec le temps. Là, on intègre de plus en plus de notions. Ouais. Puis à un moment donné, on n'y pense plus. Mais au début, on dit oh, là, faut que je fasse attention à ci, à ça. Ouais. Puis ouais. Après, ça devient un réflexe, on n'y pense même plus. Donc, c'est sûr qu'au début, il faut s'arrêter puis dire bon, là, à quoi il faut que je pense, là, justement. Bon, c'est ça. Fait que là, si on veut passer du stade petite caméra, point and shoot, ah, je voyage, c'est beau le décor ici, je vais le prendre en photo, clic, OK, je passe à autre chose. J'ai pris 5 secondes pour prendre ma photo, je vais avoir un beau souvenir, oui. Mais qu'est-ce qui va faire que la photo va être plus belle? Ben, c'est de prendre le temps de prendre la photo. C'est de planifier ce qu'on veut faire, tu sais. Donc, la première chose qu'on devrait penser, c'est quoi le sujet? Qu'est-ce que je veux prendre comme photo exactement? Fait que je vais choisir l'endroit, je vais me positionner pour qu'elle soit belle. C'est niaiseux là, ce que je dis, mais il faut vraiment s'arrêter puis dire, OK, ce que je vois là avec mes yeux, c'est beau, mais il faut que ça sorte dans un cadre. Exact. Donc, il faut cadrer comme il faut. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On décide qu'est-ce qu'on veut prendre comme photo puis à quel endroit se placer. Pour ça, il y a deux choses de base pour bien réussir. C'est de positionner le sujet qu'on veut prendre, si on peut le bouger, ça peut être une personne qu'on place dans un décor, ou se positionner soi-même vis-à-vis le sujet. Si c'est quelque chose qui est statique, comme une montagne, un beau ciel, une baleine qui passe au loin. Ouais. Mais il ne faut pas avoir peur de bouger, justement, de non, changer non. de place. Je vais y venir que... à ça. C'est ça. Oui, oui, non, c'est bon. Donc, c'est vraiment les deux choses de base. C'est le positionnement de nous vis-à-vis le sujet ou du sujet vis-à-vis nous. Si on peut le bouger. C'est drôle parce que, comme tu parles de ça, j'ai souvent lu, entre autres, pour ceux qui veulent s'acheter un DSLR, il y a un truc très, très, très intéressant avec ça, qui est de s'acheter une lentille fixe. La lentille fixe, c'est pas une lentille zoom. Tu peux pas, t'as pas de zoom, tu peux pas avancer, tu peux pas reculer sur ton sujet. Fait que ça fait que t'es pris avec qu'est-ce que tu vois dans ta caméra. Oui. Mm-hmm. Mettons comme le meilleur exemple de ça, qui est la lentille la plus reconnue, qui appelle en anglais la Nifty 50. Qui est la 50mm 1.8. C'est une lentille, c'est la moins chère que Canon ou Nikon. D'ailleurs, sont à peu près le même prix. C'est à peu près 125-130$. Puis, est étonnante d'ailleurs, considérant le prix, la qualité visuelle est assez bonne. Sincèrement, c'est surprenant. C'est assez surprenant. Mais c'est une 50mm. Donc, t'es pris avec qu'est-ce que tu vois au travers de ta caméra. Puis, beaucoup des professeurs que j'ai eus, beaucoup des sites que j'ai lus disaient que c'est probablement ce qui te fait avancer le plus. Parce que comme tu dis, faut que tu te déplaces, faut que tu penses, faut que tu planifies, t'as pas le choix là. Ouais. Tout ce que t'as là, c'est ce qui est sur ta caméra. Ouais. Travaille avec. Ouais, c'est ça. Ça permet d'aller chercher des angles différents, tu te déplaces, tu te rends compte qu'en te déplaçant, ah, j'avais pas vu cet angle-là, il est intéressant aussi. Si on parle de trouver un cadre pour la photo, ben il y a un petit truc qui est super simple. Avec tes mains, vous avez sûrement tout vu ça au cinéma. Mm-hmm. Le fameux directeur photo qui prend ses deux mains, son index et son pouce et qui fait un cadre puis qui regarde au travers de sa main. Bon, j'aimerais bien ça que vous puissiez le voir. Mais... Les gens peuvent pas te voir, François. Mais il est beau ton cadre, par exemple. Pour le décrire, vous faites avec votre index puis votre pouce le même geste que si vous aviez un gun dans les mains, c'est-à-dire le pouce dans les airs puis l'index qui pointe. Et avec la main inverse, vous inversez le pouce et vous le faites toucher l'index. Et ça va vous donner finalement un carré. Vous regardez au travers ça, puis c'est un truc bien niaiseux, mais on peut tout de suite, en se fermant un œil, voir, avoir une bonne idée de ce qui va rentrer dans le cadre. Pour ce qui est du sujet, il faut vraiment, une fois qu'on a décidé c'était quoi notre sujet, il faut que ça devienne le centre d'intérêt de la photo. Parce que si il y a 10 000 sujets dans la photo, ça va devenir... quelqu'un va regarder la photo puis il va se dire... Il va avoir trop de choses à regarder en même oui, temps. Oui, puis ça va rien vouloir dire, sauf si c'est ça qu'on cherche à montrer, évidemment. Mais par centre d'intérêt, on ne veut pas dire de placer le sujet nécessairement au centre de la photo, de l'objectif. Ça, ouais. Ça, là, non, s'il vous plaît. Ça, tu m'amènes à la règle des tiers. La règle des tiers, pour essayer d'expliquer ça assez simplement, vous pouvez imaginer un cadre, qui est carré. Quand on fait de la photo, généralement, c'est un cadre assez carré. Rectangulaire. Un petit peu plus large que haut, c'est vrai. Et puis, on le divise en 9 carrés égaux. Donc, il va y avoir 2 lignes verticales et 2 lignes horizontales. Quand on croise, à la croisée de ces lignes-là, ça donne 4 points, évidemment. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais. Bon, mais à ces 4 points-là, c'est là, généralement, à peu près, qu'on va placer un sujet, une personne, un objet. On veut toujours décadrer, à peu près, Oui, décentrer, t'as raison, pas décadrer. Oui. On veut décentrer les sujets le plus possible. La pire chose qu'on peut faire en photo, c'est de prendre une personne, faire un portrait, de le mettre en plein centre de la photo. C'est un gros non. Parce qu'il y a du vide au-dessus de la tête, puis on perd le buste ou le torse de la personne. Je vais vous faire une petite parenthèse, encore une fois. Ça va peut-être vous intéresser, mais vous savez peut-être pas ce point-là. Savez-vous, entre autres, pourquoi qu'on sente pas quelque chose en plein milieu d'une photo? C'est une vieille notion par rapport à l'histoire de l'art. Ça peut paraître bizarre, là. Moi, mais j'ai une théorie. Oui, c'est de la théorie. Ben ça, c'est... Non, mais je pense que si on fait ça, c'est que les gens, le regard va pas se... Oui, mais il y a une autre chose aussi. Ah. Il y a une autre chose complètement différente de ça. C'est que ça a une valeur sacrée. Ah. Si vous regardez, puis je fais la parenthèse parce que ça va emmener beaucoup de monde à le remarquer, à l'emmener. C'est que si vous voyez, exemple, une toile avec Jésus ou n'importe quelle, que ce soit la Vierge Marie, vous remarquerez qu'elle est toujours au centre. Okay. Toujours, parce que ça a une notion de sacré. Okay. Regardez, j'ai fait quelques cours d'histoire de l'art, alors il faut bien que ça aille servir à quelque chose. Puis c'est justement, on m'a toujours dit ne jamais centrer parce que, en tout cas au moins en peinture, cette notion-là a vraiment une dimension de sacré, de tout ce qui a rapport avec Dieu, avec ci, avec ça. Ça fait que ça donne une dimension complètement différente à ta photo qui peut donner justement un effet non voulu. Okay. C'est bizarre à dire. Ça partirait de là. Probablement, oui. OK. C'est étonnant comment que beaucoup... c'est pas étonnant, dans le fond, je veux dire, c'est rien qu'une façon différente d'amener la peinture jusqu'à un certain point, parce qu'on prend une photo, mais c'est une peinture pareille, d'un certain sens. C'est le médium. Exactement, c'est ça. Je cherchais le médium qui change, mais la théorie, en principe, devrait être la même, là. Ça devrait rien changer. Tout à fait. Fait que c'est ça. Bref, c'est une petite parenthèse que je trouvais qui est intéressante. Ah, mais c'est intéressant. Oui, très intéressant. Vraiment, je ne me doutais pas de ça du tout. c'est bon. Là, je parlais des objets, des sujets à choisir. Tu sais, quand on a un sujet qu'on veut montrer sur la photo, on va essayer de ne pas trop vouloir s'éparpiller dans d'autres choses. Si je veux montrer un vase de fleurs, je vais prendre le vase de fleurs puis je vais essayer de tasser le chat qui est à côté parce que il va attirer l'attention. C'est pas le chat que je voulais prendre, c'est le vase. Il y a ça. Donc, on parle de balance dans la photo. Si on veut que le chat soit là, parfait, c'est cool, c'était ça l'intention. Mais si c'était pas ça l'intention, enlève-le. Ça vaut pour à peu près tout. T'sais. Non, puis il faut faire attention aussi aux couleurs fortes versus les couleurs faibles. Dans le sens que si ton chat il est orange puis ton pot il est noir, là, il va être attiré par le chat. Ça, c'est clair. Même s'il est moins au focus, ça n'a pas d'importance. Ton œil va s'en aller vers le chat pareil. Effectivement, c'est des petits détails qui font que ça détourne l'attention. Il y a aussi un bon truc, c'est de s'imaginer... Quand on prend sa photo, c'est d'imaginer qu'il y a quelqu'un d'autre la critique. Donc, je me mets à la place de la personne qui va voir ma photo, puis est-ce que cette personne-là va se dire « Hey, il y a ça qui est bon, il y a ça qui est pas bon dans la photo. » Fait que ça vaut la peine des fois de sortir de nous-mêmes en tant que photographe. Ouais, c'est ça. Bon, la règle des trois tiers, ça, je l'ai expliqué, parce que je lis ma feuille. Fait que ça, c'était mon prochain point, mais je pense qu'on l'expliquait déjà un peu. Dans un peu dans la même dans la suite de la règle des trois tiers, il y a les lignes aussi. On parle des lignes horizontales, verticales, diagonales. Bon, ça, c'est un principe en photographie aussi, puis en peinture, d'utiliser les lignes en tant que... Comment je pourrais expliquer ça? Graphiquement. Donc, si on est dans une église, puis je me place en plein milieu de l'allée, puis je prends la nef, puis tout l'ensemble de l'église le plus que je peux, la rangée de bancs qui s'en va au loin vers l'autel, ben ça donne deux diagonales. C'est super intéressant quand c'est bien centré, ces deux lignes-là. Si je me déporte un petit peu à droite, à gauche, on perd un peu l'effet. Bon, on peut le vouloir, cet effet-là, mais c'est un peu ça que je vais en venir. Si on prend un édifice en ville, je pointe ma caméra vers le haut, puis je la décentre un peu, évidemment, l'édifice. Bien là, les lignes convergent, tu sais, plus que l'édifice est haut, plus que ça converge. Ça donne... ce genre de ligne-là, ça donne toujours des belles compositions. Oui, mais c'est ça, mais ça attire ton œil. Entre autres, comme tu disais, l'exemple de l'église, ça va attirer ton œil vers la nef, mais c'est important d'avoir fait que la nef soit justement ton sujet dans ce cas-là. Faut pas que tu mettes ton focus en avant puis que tu laisses en arrière complètement flou. Ouais. Ça va donner un effet trop étrange dans ce cas-là. Faut faire attention, comme tu disais, choisir ton sujet correctement. Quand il y a des lignes directrices comme ça, faut voir jusqu'à où ces lignes-là mènent. C'est ça. Idéal. C'est bon. Tu sais, il y a des photos qui sont très, très, très graphiques que tu n'es pas obligé de voir où la ligne va. Non, parce que la composition va être belle. Ça peut être des ombrages sur le trottoir. Tu sais, quelqu'un qui se promène puis que son ombrage est déporté juste de la bonne façon. Graphiquement, tu as un beau 45 degrés. Bon, ça peut être un paquet de choses comme ça, tu sais. Ça vaut la peine d'expérimenter là, sur les lignes. C'est vraiment intéressant ce qu'on peut faire. Il faut regarder. Il faut vraiment regarder avec ses yeux là, la vie. T'sais, tu te dis, bon, moi, là, j'essaie pas de cadrer avec ma caméra. Je regarde avec mes yeux. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui est beau ici? Ça, c'est beau. Il y a des lignes. Bon, c'est un peu simpliste, là, comment j'explique ça, mais... Non, mais c'est vrai. Ça part de là. Ouais, c'est ça. Bon, donc, ça, c'est un autre petit truc qui va vous permettre de grimper d'un échelon dans la prise de photographie. Un autre point qui est super important aussi, puis ça sera mon dernier, c'est de pas avoir peur, comme Stéphane disait un petit peu plus tôt, de se déplacer pour aller chercher des sujets et des angles différents. Exemple, si j'ai une photo à prendre d'un groupe, un gros groupe de 10-15 personnes, la façon facile, ça serait de me planter devant eux autres puis de prendre ma photo. Si j'ai un escabeau pas loin, ça vaut la peine de grimper dedans. Ça va donner une autre perspective aux gens. Pas trop haut pour pas qu'ils s'étirent le cou, là, pour qu'ils essayent de venir chercher la caméra des gens. Mais tu vas rendre une photo d'un petit peu plus haut. Les gens qui ont des doubles, des triples, des quadruples mentons, ils vont juste être contents que tu aies fait ça. Ils vont se rendre compte qu'ils sont pas mal plus beaux sa photo. Pourquoi? Ben parce que... ils ont levé la tête, juste un petit peu, levé le nez. Exactement. Peu, Si, à l'inverse, si tu as des sujets qui te le permettent, tu vas aller au sol, tu peux te coucher par terre, tu peux approcher la lentille du sol, tu vas avoir un effet de perspective assez intéressant aussi au sol. Un enfant qui joue, tu descends à son niveau. Oui, puis, oui, ça aussi. Quelque chose, c'est un bon photo, point, justement. Ça, les enfants. En fait, quelque shooting photo, c'est ça, je me baissais à terre, carrément, là, c'est juste si la caméra touchait pas par terre, puis je prenais des photos de l'enfant avec le menton par terre, puis ça pouvait faire quelque chose de super intéressant. J'en ai pris, j'étais carrément au-dessus d'eux autres, puis on essaye, il faut à genoux, à terre, n'importe quoi, juste ayez ça, pas peur là, de vous salir. C'est ça, juste ça, là, tu viens déjà de donner des angles intéressants, bien différents, tu viens de monter à un autre niveau en photographie, ça c'est clair. Bon, ben merci beaucoup pour ce cours de base en photo. On va faire une petite pause et on vous revient. On va maintenant aborder le thème du magasinage d'équipements photo. Donc, on va parler soit de l'achat de neuf ou d'usagé, ou encore, si vous préférez acheter en magasin ou en ligne, on a des petits trucs, on a chacun nos habitudes aussi. Je vais laisser la parole à François, voir où est-ce que tu achètes ton équipement normalement, là, pas toujours. J'achète tout mon équipement en ligne. Okay. ça peut m'arriver d'aller zioter dans les magasins parce que tu vas l'avoir en main. Mm-hmm. Si tu veux voir un objectif en particulier, tu vas pouvoir l'essayer, le tester, tout ça. Mais c'est dommage pour l'économie locale, mais il n'y a rien qui vaut l'achat en ligne. Puis souvent à l'extérieur du Québec, tu sais. C'est vraiment là qu'on va trouver les meilleurs prix. Il y a un prix à payer pour ça. C'est-à-dire que il y a des garanties des fois qui ne seront pas applicables. Ouais. Dans certains cas, il y a... Qu'est-ce qu'il va avoir aussi? Il peut avoir des frais d'expédition qui s'ajoutent. Frais d'expédition. Ou, De dédouanage. Ouais. Dédouanage. Il y a combien de gens qui se font pogner avec ça? Je me suis fait avoir. Bon, on s'est tous fait avoir à un moment donné. Il y a des petits trucs pour contourner ça. Par exemple, si on a des grosses pièces à commander des États-Unis, on peut faire envoyer ça à... Freeport Forwarding. tu connais ça, Christian? Oui, je connais. Bon, mais moi, j'ai... À plusieurs occasions, je suis allé à cet endroit-là. J'ai fait livrer mes équipements. Puis on parle pas juste de photos. J'ai acheté des pneus aux États-Unis. J'ai acheté un kit de jupe pour ma vieille Celica dans le temps. Je me faisais envoyer ça là parce que c'est tu sauves vraiment de l'argent. Premièrement, sur le prix du shipping. Ça vient des États-Unis. Ça coûte moins cher shipper aux États qu'à l'international. Mm-hmm. Donc, tu sauves de l'argent là. Puis je pense que c'est une pièce par jour qui garde ton paquet pour toi jusqu'à temps que tu ailles le chercher. Okay. Fait que c'est vraiment génial. Puis comme Plattsburgh, solution. C'est pas comme si c'était à l'autre bout du monde. Là. Exactement. En fait, c'est Burlington. C'est avant Plattsburgh. Fait que c'est. On parle de. Si on parle de, disons, on va faire un petit un endroit facile, Jacques-Cartier, puis la 132, le pont Jacques-Cartier, c'est à peu près 40 minutes, je pense, à rendre là. Fait que c'est vraiment rapide. Puis ça vaut la peine pour l'argent qu'on va y sauver. Fait que moi, je suis un amateur d'achat en ligne. Big time pour à peu près tout. eBay, B&H, qui est la mecque moi, qui est la mecque des photographes. Ouais. B&H, autres. Qui est BH Photo, bhphoto.com. Ouais, c'est ça. On va lister ça, les liens aussi. Oui, c'est carrément un... Comment je pourrais appeler ça? Un Toys R Us. Quelqu'un qui aime les bidules électroniques. Il y en a dans le son, il y en a dans la photo, il y en a dans la vidéo. Ils ont un paquet de trucs, des réflecteurs pour réfléchir la lumière qu'on fait de puis la photo. Ils sont sadiques parce que tu achètes une fois là puis ils t'envoient le catalogue chez vous après. Oui. Ça torture quand tu regardes ça. C'est comme un catalogue IKEA. On aime ça l'avoir et le regarder. Oui. Ou pour les plus vieux, le catalogue distribution au consommateur. Oh mon Dieu. Canadian Tire. On rentre pas là-dedans, s'il te plaît. Non. on trahit nos âges. Oui. Puis est-ce que comme tu parlais des eBay, donc tu achètes aussi de l'usager, tu n'achètes pas toujours neuf nécessairement. Oui, bien, c'est l'effet eBay, quand c'est arrivé, je me suis vraiment mis à acheter un paquet de niaiseries sur eBay. Dernièrement, je dirais que depuis peut-être 4 ou 5 ans, là, j'achète un petit peu moins de stock usagé sur eBay. Fouille-moi pourquoi. Ça s'est juste passé comme ça. Un peu comme je suis un petit peu moins gamer ces temps-ci. Mm-hmm. Je sais pas. J'ai lâché un peu les jeux vidéo. Puis pour quelle raison, je ne sais pas. Pourtant, je remplis pas mon temps d'une autre façon, à part d'être quand même sur le web. Peut-être l'actualité que je regarde un peu plus. T'sais. Mais pour revenir au... à l'achat en ligne de trucs usagés. Ça va être sur Kijiji. Moi, je vais aller chercher mes affaires. Mais tu vois, ça reste encore en ligne. Tu sais. Mais excellent choix, oui puis non. Tu sais, j'ai une mésaventure qui m'est arrivée. Toi, c'est ton kit photo que tu t'es fait voler. Ouais. Moi, l'année passée, il y a à peu près quoi 16 mois, on est en janvier, fait, je me fais voler ma voiture. Puis c'est carrément par Kijiji. Je l'avais annoncé sur Kijiji. Il y a un gars qui est venu voir... Ma voiture qui était à vendre. Le lendemain soir, elle avait disparu. Je me suis levé. Coïncidence, hein? Oui, c'est ça. C'était clair que c'était ça. Fait que, malheureusement, sur Kijiji, c'est aussi un beau catalogue pour les personnes qui en veulent à tes biens. C'est sûr. Moi, je parlais plus pour l'achat. J'avoue que j'ai jamais rien posté en tant que tel pour à vendre là-dessus. Mais non, pour acheter, par exemple, j'ai eu des très bonnes expériences. Oui, quand tout le monde est honnête, c'est vraiment bien. C'est comme n'importe quoi dans la société, finalement. Oui. Parfait. Donc, justement, toi, Christian, c'est quoi tes habitudes d'achat? Ben, comme disait François, moi, je préfère avoir quelque chose dans les mains, au moins pour le tester. D'ailleurs, j'ai un truc supplémentaire, parce que c'est le fun de l'essayer en magasin, une lentille, des affaires comme ça, mais il y a un truc encore meilleur que ça. Allez la louer. T'as des magasins genre Lozo qui te permettent de louer des objectifs. Ça vaut la peine amplement. Oui, je suis bien d'accord. Moi, j'avais loué ma 24-105. Puis à ce moment-là, je suis carrément tombé en amour avec cet objectif-là. Mm-hmm. Et je me suis dit, celui-là, il me le faut. Puis après ça, c'est là que je me suis mis à chercher sur Kijiji. Parce que, voyez-vous, cet objectif-là est 1 600 $. Mm-hmm. Alors, c'est pas donné. Mm-hmm. Encore une fois, j'ai évalué l'idée de l'acheter usagé. J'avais trouvé en Chine, qui était un vrai, là, c'était pas une réplique ou rien de ça, qui était environ 1 200 $, ce qui est quand même pas si mal. Sauf que quand on commence à regarder les frais d'envoi, le dédouanage, pis tout ça, whoops! La différence entre les deux commençait à réduire. Puis là, ben, il y avait les problèmes que Canon, de plus en plus, refuse d'honorer les garanties quand ils ne sont pas achetés dans le même pays. Ouais. Paraît-il que ça peut s'arranger, mais ça me tente-tu de payer 1 600 $ puis finalement, 6 mois plus tard, pour une raison, un défaut de fabrication, elle arrête de fonctionner, puis je pris ça avec des mains. Disons que j'ai pas aimé ça. Fait qu'à la place, ce que j'ai décidé, je me suis tourné vers Kijiji. J'ai commencé à faire mes recherches, puis tout ça. Puis finalement, j'en ai trouvé une pour 800$, usagée. Puis, ce que je suis arrivé comme conclusion, c'est que je me suis dit, regarde, à 800$, mettons qu'au pire des cas, elle me fonctionne 6 mois. Et les objectifs, ça se fait réparer. C'est le coût qui peut être prohibitif. C'est ça qui est le problème. Mm-hmm. Mais, après quelques recherches, je me suis dit, ben, ça donnerait probablement un 300-400$. Encore une fois, je suis en bas de qu'est-ce que j'aurais payé neuf. Ça vaut la peine. Je suis allé. Ça fait plus qu'un an. J'ai aucun problème avec. Mm-hmm. Puis je défie même quelqu'un de savoir qu'elle n'a pas été achetée neuf. OK. Elle est en bon état. Ouais. Oui, puis l'avantage que tu as, c'est que quand tu achètes, plus tu achètes un produit cher, les lentilles, les objectifs Canon de série L, qui appellent les séries professionnelles, c'est des objectifs qui sont faits solides. C'est le genre d'affaires, comme je me suis fait dire, je n'ai pas essayé, je tiens à le préciser, que tu peux échapper par terre et ça fonctionne encore. Ouais. J'essayerai pas, mais semble-t-il que c'est vraiment des objectifs qui sont très, très solides. Okay. C'est fait pour des photojournalistes ou des affaires comme ça. C'est fait pour des professionnels. Fait que c'est pas toujours du monde qui sont toujours les plus délicats. Je me rappelle avoir vu des photos d'une qui... C'est un caméraman qui est allé en Irak, puis tout ça, puis la lentille, là, je veux dire, elle est noire de poussière, de bouette, de ci, de ça. Puis le gars, il disait, j'ai pris des photos avec tout le long, puis j'ai eu aucun problème. Mm-hmm. Fait que ça vaut la peine pour ça. J'ai acheté aussi sur eBay. eBay, c'est un petit peu plus un gamble. C'est sûr et certain que faut que tu regardes c'est qui ton vendeur. C'est ça qui est important. Moi, j'avais fait affaire avec... c'est une femme qui est spécialisée. Elle ne vend que des choses pour d'autres personnes. Si tu vas la voir, tu lui dis « Vends-moi mon objectif, vends-moi ma caméra. Okay. » Elle se prend un certain pourcentage, puis elle y revend. Mais c'est comme sa spécialité. En vérifiant, j'ai vu qu'elle avait des très bons scores. Toujours des 5 étoiles, puis tout ça. Fait que quand on va sur eBay, c'est très important de vérifier justement ton vendeur, qu'est-ce qu'il a comme réputation. Mm-hmm. À partir de là, ben c'est ça. Là, je me suis fié à ça. Puis, important de vérifier, est-ce que s'il est défectueux, je peux le renvoyer, combien de temps que j'ai, etc. C'est toutes des affaires comme ça qui sont importantes à vérifier. Puis la lentille que moi, j'avais achetée, une 70-300, elle a fonctionné super bien, jusqu'à temps que je me fasse voler. Mais ça, c'est notre sort. Mais non, j'étais extrêmement satisfait de ça. Puis, tu vois, des fois, je vais acheter neuf. Ma caméra, ben moi, j'avais trouvé sur Future Shop qui était un prix qui me faisait, qui était très, très bon. Puis, ils m'accotaient un prix en ligne. C'est rare, ils le font pas toujours, mais des fois, ils vont le faire. Puis, je me suis ramassé à payer 300$ de moins que ce que j'aurais payé. Ouais. Fait que ça valait la peine, ça, avec. Fait que moi, je dis, magasiner sur Internet, aller voir en magasin, louer. Après ça, ben faites votre décision. Il n'y a pas de mauvaise méthode. Moi, l'usager, pour moi, ça a été toujours très, très bon. Tout ce que j'ai... Il y a une seule chose que j'ai acheté usagée qui n'a pas bien fonctionné, puis ça a pris plusieurs mois avant que le problème survienne. Tu avais un objectif. Hein? Un objectif, je ne vais pas faire de mauvaise publicité, mais c'est un Sigma. Okay. C'est peut-être un peu ça aussi, dans le sens que, bon, on s'en cachera pas, les Sigma, c'est quand même un peu plus basse qualité, un petit peu moindre qualité qu'un Canon. C'est peut-être à cause de ça. Il fonctionne encore, mais c'est juste que si je mets mon ouverture plus que 4, il bloque. Okay. Probablement que je pourrais le faire réparer, mais j'ai pas le goût d'investir de l'argent pour. De toute façon, anyway, cet objectif-là, je l'ai acheté pour qu'il y ait une grande ouverture à 2.8 ou à 4. Fait que je peux encore l'utiliser en faisant ça. Mm-hmm. Pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Ouais. Fait que c'est ça. Pour le reste, j'ai acheté un flash, j'ai acheté des lentilles. Ça fait 3 lentilles que j'achète là. Regarde, moi, je ne suis que satisfait de mon magasinage d'usagers. Mm-hmm. Puis je sais même que... mais il y avait un gros show à Pointe-Claire, je crois, qui se passe une fois par année. Il faudrait que je retrouve, je vais essayer de le poster sur, sur Internet. Ce n'est que de l'équipement, justement, usagé que se vend. Puis ça peut être, ça va de l'argentique jusqu'à la photo numérique. Là. Il y a vraiment de tout là-bas. C'est comme une grande foire de vente usagée. Okay. Puis t'as aussi d'autres magasins comme Photoservice, je sais aussi, vendre de l'usager. Je sais pas si l'Ozo en vend, par exemple. Je pense pas. Je peux me tromper. Il me semble pas en avoir vu. Je pense pas, moi non plus, en avoir vu. Mm-hmm. Mais je sais que Photoservice, eux, en vendent, par exemple, okay. Qui est dans le vieux port. OK. Peut-être une place intéressante. Toi, Stéphane? Moi, pour ma part, je suis un peu plus frileux, si on peut dire. Ouais, pourquoi? Je sais pas. C'est plutôt peut-être pour avoir la garantie la plus longue possible ou avoir une certaine facilité à retourner du matériel, justement, si jamais il y a quoi que ce soit. Mais c'est pas toi, d'ailleurs, qui avait été obligé de ramener ta caméra? Oui, justement. Ouais, j'ai acheté ma 60D au mois de septembre l'année dernière, en septembre 2011. Puis trois semaines après, même pas, le déclencheur fonctionnait plus ou à peu près une fois sur 10. Puis je suis retourné au magasin, puis en 15-20 minutes, j'étais ressorti avec un nouveau boîtier. Donc, sinon, j'aurais été plusieurs semaines sans boîtier ou si je l'avais acheté, usagé de quelqu'un, c'était fini. Oui, c'est sûr. Il y a des, tu sais, on prend des chances dans ces situations-là. Oui, tu sauves de l'argent, mais ça a un prix. Oui, absolument. Absolument. Tu peux pas t'en sauver tout le temps à un moment donné. Comme il est arrivé à Christian, l'objectif va briser. C'était la chance qu'il a pris. Bon, oui. Mais départ, tu sauves de l'argent, fait que la perte aussi est moindre si Mais c'est ça, tu vois, je l'ai payé 350, puis 9, il était 700. Oui, exact. 700-800, fait que malgré tout, je considère que j'en ai pareil pour mon argent, parce que ce que je veux faire avec, je peux encore le faire. Fait que c'est pas dramatique, c'est juste que... Évidemment, comme la chance veut, il a cassé pendant que j'étais en train de faire une session photo, puis j'en avais besoin à ce moment-là. Moi, tu vois, mon déclencheur a lâché. Une chance, c'était à la fin, j'étais au Comic-Con. La fin, pour à peu près mes 3-4 dernières photos que je voulais prendre, c'est là qu'il a lâché. J'ai été chanceux, mais j'ai eu l'air fou parce que je voulais photographier quelqu'un qui était costumé, puis tout ça. Puis là, j'ai dit, oh, excuse, ça marche pas. Là, hop, je comprenais pas. Puis là, je me suis surpris à 7, 8, 9 fois. La personne a été très patiente et très compréhensive. Puis j'ai dit merci parce que, j'ai eu l'air vraiment tarte parce que j'étais incapable de prendre ma photo. Le déclencheur était bloqué. Ah, c'est bizarre. Ouais. Donc, c'est pas le genre de problème qui arrive souvent. Non, c'est ça. Puis même la personne au magasin ne me croyait pas au début. Puis ils ont été trois à la tester avant de dire « Ah oui, il y a vraiment un problème. Ah, » Parce que si je le mettais en mode portrait, à la verticale, l'appareil, je le tournais comme en mode portrait, le déclencheur fonctionnait un peu mieux, un peu plus facilement. Si je le laissais à l'horizontale, ça marchait pas. Puis il a été fait le vendredi après-midi, lui, moi, je pense. Probablement. C'est ça. Juste avant le coup de sifflet. Uh-huh. Puis du côté achat en ligne ou au magasin, t'as-tu une préférence? Oui, je préfère au magasin, justement, pour un boîtier ou un truc qui me fait dépenser un peu plus, là, si on veut, parce que j'aime ça l'avoir sur place, j'aime ça l'avoir vite aussi. Quand je veux quelque chose... Souvent, j'aime ça dire « Ah, il y en a en stock là, j'y vais. » Même j'appelle, vous me le gardez de côté. « Ah, on a 15, 20. » Non, vous me le gardez de côté, je m'en viens dans 1 heure, 2 heures. Tu veux pas te faire avoir. Je comprends. Puis, Mais tu sais, un exemple. Là. Ouais. Moi, j'ai acheté un boîtier Canon. J'allais magasiner, je suis allé chez Lozo, je suis allé chez Photoservice, je suis allé un petit peu partout. Mm-hmm. Puis c'est à Calgary que j'ai trouvé le meilleur prix. Okay. À Calgary. Ouais. Je l'ai commandé là. Oui, ça a pris une semaine pour l'avoir, mais j'ai sauvé à peu près 200$. Puis c'est un prix, les boîtiers, les objectifs, ils ont toujours un prix assez stable dans le marché. Ouais. Mais cette semaine-là, ce magasin-là a décidé qu'il faisait un spécial. C'est un de mes amis qui m'a envoyé un email. Il dit « Je sais que tu cherches une 7D. Va la chercher à Calgary. » Ils ont décidé de liquider leur stock de 7D pour une raison X, je sais pas. C'est à perte qu'ils l'ont fait, là, parce qu'on parlait de 200$ de moins. Ouais. Ça paraît. Tu vois, moi, ça m'arrive souvent, justement, je regarde, puis quand il y a un spécial, ma XSI, ma Canon 450D, je l'ai acheté, il y avait un rabais de, je me souviens plus combien, là, au moins 70-80$. On parle d'un appareil à 650-700. J'ai acheté mon objectif Sigma aussi, mon 17-50mm, il y avait un 100$ de rabais, il était 800 au lieu de 900, quelque chose comme ça. Le boîtier de 60D, même chose, un 100$ de rabais. J'attends quand même d'avoir un rabais pour pas toujours payer le plein prix non plus. Mais ça va m'arriver d'acheter en ligne mes accessoires. J'ai acheté un petit zoom aussi de base. Là. J'ai acheté ça chez Henry's en Ontario. Oui. Fait que là aussi, des fois, il y a des bons prix. Oui, puis, parce que tu vois, justement, moi, j'ai un de mes collègues qui a acheté la 60D, qui l'a acheté chez Henry's, puis avec un objectif de, c'était 15,85. Okay. Chez Photoservice, il dit, je suis capable de te le faire, mais j'ai pas ma 15,85 disponible en ce moment. Puis lui, chez Henry's, finalement, il était capable d'avoir le même prix, même moins cher. Puis il faisait le shipping, l'envoi gratuit. Fait qu'il s'est dit, ben, pourquoi? Finalement, lui, ça a été le meilleur des deals. Il y a, si je me rappelle bien, c'est photoprice.ca, qui est un site que je vois souvent régulièrement. Je suis abonné par Facebook, je les vois leur chose. Puis ils montrent les variations des prix sur tout. Okay. Les objectifs sur les caméras, etc. C'est super intéressant parce que justement, ça donne une idée. Si, mettons, vous voyez que ça fait 6 mois que le prix plafonne puis qu'il se passe à rien, peut-être des chances qu'il va descendre. Ah, c'est bon ça. C'est très bon, c'est très, très commode. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte, même que moi, j'avais acheté une 50mm 1.4. Puis moi, j'avais acheté une boîte ouverte chez Future Shop qui m'a coûté au lieu de 350, 280, quelque chose. Puis cet objectif-là est un des rares qui a augmenté. Il est rendu comme 450$ maintenant, puis je l'ai revendu 350$ plus cher que ce que je l'avais payé. Ah oui, OK. Ouais, ça c'est arriver. Rare. Ça peut arriver. Ça arrive. Comment ton site? Photoprice.ca. Photoprice.ca, si je ne me trompe pas. Encore une fois, bon, je vais le vérifier. Là, François, dans mes favoris. Tu liras les notes sur le blog. Non, mais j'aime ça prendre des notes, moi. Bon, alors on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, messieurs, pour ce deuxième épisode. Merci, c'était super intéressant, encore une fois. Donc, on va rappeler les adresses pour les gens qui voudraient nous envoyer des commentaires ou des suggestions. On peut nous rejoindre directement sur le site à objectifnumérique.com. On peut nous rejoindre par courriel à balado@objectifnumérique.com ou pour ceux qui préfèrent le terme anglophone, on a aussi l'adresse podcast@objectifnumérique.com. Ça va à la même place de toute façon. Et le compte Twitter qui est au numérique. Alors merci et à la prochaine.